Chapitre 7e. La cour du château de Saint-Maur était pleine de chevaux et de valets d'écurie. Les petits maîtres s'apprêtaient à enfourcher leurs montures pour aller braver en face la reine et le cardinal. Monsieur le prince, qui ne se doutait point de ce qu'il attendait au Louvre, souriait en voyant les airs conquérants de ces gentilshommes. Il descendait les degrés du perron avec monsieur de la Rochefoucauld, lorsqu'une jeune fille, qui s'était glissée dans la foule, se présenta devant lui. « Monseigneur, dit-elle, excusez mon indiscrétion. Vous êtes couvert de gloire. Moi, je n'ai que ma petite réputation d'honnête fille. Ne souffrez point qu'elle nous soit lâchement ravie par un de vos amis. »« Ma belle, répondit le prince, c'est ici un conseil de guerre et non point une cour d'amour. Nous jugerons votre procès plus tard. Il s'agit d'une affaire galante avec M. de Buc, n'est-ce pas? Cela ne presse point. Revenez demain. Je vous promets toute l'attention et toute l'indulgence que vous pourrez souhaiter. Mais, si j'en crois les apparences, votre conscience n'est pas nette. Vous ne citerez pas à mon tribunal Mademoiselle Delorme et vous n'exhiberez point certains bracelets dont l'origine paraît enveloppée de nuages. Votre père m'a tenu des propos de coquin et mieux vaudrait vous taire que d'ajouter l'effronterie à des péchés d'alcôve pour lesquels, après tout, on ne vous pendra point. Il ne s'agit pas de galanterie, reprit Claudine avec énergie, mais d'un crime que les lois condamnent. Écoutez-moi de grâce et je confondrai le traître qui me ravit l'honneur par un mensonge après avoir voulu me l'ôter par des violences contre ma personne. Votre Altesse, d'ailleurs, se trompe en disant que je ne citerai point Mademoiselle Delorme. J'appellerai au contraire son témoignage, et quant au bracelet qu'elle m'a donné, j'en ferai connaître l'origine. « Oh, voilà qui est grave, » dit le prince. « Monsieur de Buc, préparez votre défense, car nous vous ferons votre procès en règle. Aujourd'hui, nous allons à la guerre, et j'ai besoin de tout mon monde. À demain donc, Claudine, et compte sur moi, mon enfant. Messieurs, au Mazarin !» Le prince sauta sur son cheval, et toute la bande des petits maîtres partit à franc étrier. Les dernières paroles du héros de Rocroi et son air bienveillant rendirent quelque espérance à la pauvre Babolette. Celui-là, du moins, parmi tant de gens sans foi et sans scrupules, ne manquait point à la grandeur de son caractère et ne faisait pas bon marché de l'honneur d'une fille. Pour employer à la confusion de son ennemi le délai d'un jour qu'elle devait supporter, Claudine voulut s'assurer le témoignage favorable de Mademoiselle Delorme. Elle prit donc le chemin de Paris et marcha résolument, soutenue par l'exaltation de son esprit. Une pluie fine et glacée tombait, la route était mauvaise et la distance fort grande. Notre héroïne, accablée de fatigue, se perdit 20 fois dans les rues du Marais avant de trouver l'hôtel qu'elle cherchait. Marion Delorme, qui était en belle humeur, se mit à rire en la voyant. « Comme te voilà faite, ma fille, » lui dit-elle. « Il n'y a que la vertu pour aller ainsi mouillée, transie et couverte de boue. Quel nouveau malheur me viens-tu confier? Te veut-on faire passer encore pour une voleuse ?» Claudine raconta en peu de mots son aventure, le piège que lui avait tendu M. de Buc, son enlèvement, son séjour dans une maison malhonnête, l'ambassade déplorable de son père et la promesse du prince de lui rendre justice. Afin de ne point blesser la personne qui l'écoutait, elle eut soin d'exprimer avec modération son horreur pour les soupçons qui pesaient sur elle et implora en termes simples et mesurés le témoignage d'une amie qui savait la pureté de sa conduite. Marion, qui eut bravé avec un front d'airain les regards d'une reine, baissa les yeux devant cette Babolette que la défense de sa réputation menait si loin, à travers tant de fatigues et d'obstacles. « Hélas, » dit-elle en soupirant, « il n'est donc pas en mon pouvoir de faire un peu de bien. J'avais pourtant usé de précautions. J'avais renoncé au plaisir si doux de contempler mon ouvrage et d'entendre l'expression de la reconnaissance. Il se trouve au bout de tout cela que mes présences sont funestes, et qu'en voulant secourir cette pauvre fille, je l'ai poussée dans un abîme. » Mademoiselle Delorme passa la main sur son front comme pour en écarter des pensées pénibles. « Rassure-toi, ma fille, » reprit-elle d'un ton plus animé. « Je ne souffrirai point que mes bienfaits te portent malheur. Je ne veux pas même souffrir que tu te prives d'un seul de mes présents. Il ne sera pas au pouvoir de quelques essorvelés de me fermer les mains quand je les ouvre, ni de te remettre le babolet sur la tête. S'il me convient d'y poser des fleurs ou des perles, nous leur montrerons qu'une brave fille peut avoir à la fois bonne renommée et ceinture dorée. » « Commence donc par ôter ces jupes mouillées. Nous passerons cette journée ensemble. Demain, je te mènerai dans mon carrosse, ton bracelet au bras, par devant le tribunal imposant de Saint-Maur. Juge et accusateur, je les veux tous voir à tes genoux. » Un cœur de 18 ans s'ouvre aisément à l'espoir et à la confiance. Claudine, rassurée par ses discours, se laissa parer les atours que Marion lui voulut donner. Elle quitta son bavolet et se transforma encore en personne de qualité. Sa toilette était achevée, lorsqu'on entendit dans la rue un tumulte extraordinaire. Des cavaliers couraient au galop portant leurs chapeaux au bout de leurs épées en signe d'allégresse. Mademoiselle de Lorme se mit à son balcon, et comme les gens qui se réjouissaient ainsi étaient les officiers du cardinal, elle pensa que la nouvelle fronde avait mal débuté. Parmi les passants, Marion reconnut un gentilhomme Mazarin et lui demanda des nouvelles. « C'est, lui répondit-on, que les princes de Condé, de Conti et de Longueville sont arrêtés. Monsieur de Miossens les a conduits à Vincennes. Leurs amis les attendent à la porte Saint-Antoine pour les délivrer. Mais on les a fait sortir par la porte Richelieu, et à cette heure ils sont au donjon. » Peu d'instants après, une bande de cavaliers du parti des princes traversa la rue en grand désordre, poursuivie par un détachement de mousquetaires qui la serrait de près. Deux ou trois coups d'arquebuse résonnèrent au loin, et puis le bruit s'éteignit. « Ma pauvre enfant, dit mademoiselle de Lorme, voilà ton procès ajourné. »« Il est perdu, répondit Claudine en pleurant. » Tandis que Marion tâchait de consoler la Bavolette, on entendit des voix d'hommes dans l'escalier. C'était la compagnie ordinaire qui fréquentait chez les personnes galantes. Mademoiselle de Lorme proposait à Claudine de la présenter à ce beau monde. Mais la jeune fille ne le voulut point et se cacha dans un boudoir d'où elle pouvait suivre la conversation. La plupart de ces gentilshommes étaient de petits cerveaux qui se ruinaient dans la dissipation. Une sorte d'émulation existait entre eux qui leur faisait dire sans sottise. Non contents de parler Phébus, ils grasseyaient horriblement et prononçaient quantité de mots d'une façon particulière qu'on appelait le dernier goût. Au lieu de dire « j'ai eu » par exemple, ils disaient « j'ai eu ». Ils ne prononçaient point « bonheur »,« malheur », mais « bonheur »,« malheur » et juraient sur leur honneur. Du fond de sa cachette, Claudine ne fit pas d'abord grande attention aux façons de ses étourdis. Cependant, sa curiosité s'éveilla un peu. Elle s'aperçut avec étonnement que Mademoiselle de Lorme parlait tout à coup leur Phébus et laissait son naturel, qui était le plus charmant du monde, pour plaire à ces jeunes fous en imitant leurs grimaces à la mode. On supplia la maîtresse du logis de chanter. On admira fort les attitudes gracieuses qu'elle avait en accordant son luth. On écouta presque au point sa chanson, mais on applaudit avec transport lorsqu'elle eut fini. On la consultait sur la comédie en vogue, sur le génie de l'auteur, sur le mérite des comédiens, et ses avis étaient accueillis comme les décrets d'une souveraine. Claudine se prit à réfléchir en observant cette scène, dont les plus petites nuances la frappaient à cause de leur nouveauté. « Il n'est point difficile, se disait-elle, de se faire adorer de ces jeunes gens, et si je fusse né parmi ce monde-là, je n'aurais pas grand-peine à y briller. » Ce fut bien autre chose quand l'un de ces petits messieurs s'avisa de vouloir montrer de l'érudition et de parler d'histoire avec Marion. Claudine reconnut qu'ils faisaient tous deux quantité de bévues et d'anachronismes, dont le curé de Saint-Mandé se serait fort diverti s'il eût été présent. La Bavolette ne revenait point de sa surprise. « Est-il possible, pensait-elle, que des gentilshommes ne sachent point ce que mon curé m'a enseigné ?» Dans le boudoir de Mademoiselle de Lorme, les murs étaient ornés de glace de Venise. Claudine, assise sur un sofa, voyait son image répétée plusieurs fois par tous ses miroirs. Elle éprouvait un plaisir infini à contempler sa magnifique toilette, ses dentelles, son riche bracelet et l'ensemble charmant que présentait sa personne ainsi accommodée. Il lui semblait admirer une étrangère, tant la transformation était complète. Mais bientôt, en songeant que cette image si séduisante était la sienne, un éclair soudain lui pénétra dans l'esprit. « Je suis belle aussi, » s'écria-t-elle avec joie. « Il ne tiendrait qu'à moi de plaire, de régner de par ses yeux bleus, cette bouche de rose, cette taille de nymphe et cette jeunesse en fleurs, qui m'empêche de grasseiller comme une fauvette, d'apprendre en écoutant les autres à mal prononcer quelques mots, de faire comme si je jouais du luth pour choisir des poses gracieuses en accordant cet instrument, de chanter une chanson afin qu'on me trouve une voix délicieuse. Ne saurais-je pas aussi regarder les gens en dessous d'un air hypocrite pour feindre la tendresse et donner à entendre au premier venu que je le distingue entre mille? Tout cela est-il donc impossible à une fille de ma condition? Mais je n'aurais pas même besoin de m'abaisser à ces manèges. Il suffit de vouloir plaire pour y réussir. On ne croit point à la vertu d'une Bavolette. Eh bien, faisons-nous, grande dame, et celui dont je repousserai l'amour se tiendra pour bien repousser. Celui que j'accablerai de mépris se tiendra pour bien accabler, bien mépriser. Je donnerai à celui-ci un brevet de galant homme, à celui-là un certificat de sottise, et si quelqu'un s'avise de se vanter de mes bonnes grâces, un mot suffirait à le couvrir de ridicule. Je n'aurai plus besoin des arrêts de monsieur le prince. Ce n'est point assez d'échapper à la calomnie. Je prétends me venger des calomniateurs. Me disculper, me défendre, quand je suis innocente et outragée, fi donc! C'est à moi de juger, de condamner les coupables, de les forcer à demander grâce et de les punir, s'il me plaît d'être sans pitié. »